En Corée a été institué le nouveau prix 16 mai destiné aux créateurs et artistes pour leur contribution dans la création des chefs-d'œuvre de l'époque dans le secteur de la littérature et des arts. Le comité central de l'Union générale des écrivains et des artistes de Corée a remis ce prix à Pae Ok-joo, compositrice de la troupe d'État d'art national, et à Choi Sun-hee, femme peintre du centre de création artistique Mansudae, qui ont soutenu la direction du Parti Travail de Corée par leur succès dans la création des chefs-d'œuvre en 105 du juillet 2016.